C'est vite dit, y a pas que le sexe dans la vie, moi je vous le dis. C'est vrai, y a le cul. Y a les nichons aussi. Et rigolez les mecs, n'empêche qu'on est que 5 petits branleurs. On se fait virer des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3 quarts des cours, on n'aura jamais le bac. J'aimerais bien voir la gueule qu'on aura tous dans 10 ans. Tu te rappelles nos premières cuites, nos premières Desperados. On s'éloignait de nos parents à force de se les mettre à dos. Certains rentraient le soir et la tête pleine d'hématomes. En clairière dès le plus jeune âge, combien on regrettait la dose. Non, non mec, c'est pas drôle. Les grands font la morale, eux-mêmes ont changé depuis qu'ils ont testé la coke. Nostalgique, si seulement on était resté ado. Cette époque où on prétendait faire du rap sans plaider sa cause. Soudé comme jamais, bah ouais. Trahir le crew serait impensable comme voir ton meilleur pote baiser ta go. C'est bête mais j'adore, en même temps c'est nos vies, nos vices. Avec les filles, pas de resto chic, t'as soin de grec et McDo. La vie en rose, dur de l'avoir sans lèvres, fait de la drogue. Les plus sportifs d'hier, aujourd'hui doivent en baisser l'alcool. En vrai, c'est la zone entraînée à se faire du mal. Les souvenirs frappent fort quand j'écris texte, j'encaisse les bastos. C'est quelques séquelles m'assomme. J'ai suivi l'école de la vie, ouais. Rempli d'expérience, mais niveau CV de chao. Fort comme la selle et sao. Pour mon équipe, je pouvais y laisser ma peau. Comment les procher le dermato? La motivation, la gag enchaîne les râteaux. Moi je faisais pas de scul, mais grâce aux blagues des potes, je faisais mes abdos. Dans la street et ses belles paroles. Merde, combien de fils à papa ont arrêté l'école, rêvant de braquer la caisse et le magot. Certains ont bien fini, d'autres ont fini mal. Comme une discussion fâcheuse entre deux lascars où l'un ne respecte pas l'autre. Regarde, on regrette sa mort. Comme ce gars qui cherche un truc stable, qu'à choix entre deux filles. Choisis la crasse et délaisse la poche. Je voulais y voir clair, à force de broyer du noir. J'avais un moral à concurrence et le rêve défilé de facho. Bref, on était des sales gosses, mais si j'avais le choix entre revenir en arrière ou vendre des disques, crois-moi, t'aurais eu le CD. Parce que c'est pas ce que la vie nous réserve, frère. Nostalgique, j'ai l'impression d'écrire ce texte en plein hiver sous un réverbère. J'ai des frissons à l'heure où je boucle ce titre, des souvenirs lointains, mais je me rappelle comme si c'était hier. On a pris des chemins différents, comme beaucoup j'ai changé. Moi qui disais que je resterais le même. J'ai des frissons à l'heure où je boucle ce titre, des souvenirs lointains, mais je me rappelle comme si c'était hier. Ah putain frérot, tu te rappelles à l'ancienne comment on se mettait trop bien? Carrément. Putain, comme si que c'était hier. Carrément, les kids, les barbes nues. T'as vu ou quoi? Putain, c'est hallucinant, on a 30 piges, on est toujours au même stade. Les mauvaises blagues annulent mes rêves depuis la fracture terrestre. On se tue à tout et on s'étonne que nos mères allument des cierges. Face à tout, je reste de marbre. Et même mes frères sont marches, rêve de large. À mon âge, faut que j'arrête de faire le barge. On a plus les pieds sur terre, on est rempli de points de suture, les blessures souffrent. Souffre à nos routines, se joint l'usure. Je me rappelle des parties de foot qu'animait la cour de récré. Mais maintenant on se crache dessus, crois pas que l'amour peut régner. J'ai bossé dur, j'ai tout lâché pour entamer des procédures. Et à défaut de faire du son, je me voyais faire de grosses études. Résultat, j'ai trop saigné, puis taché mais ça puisait. Pour du blé ou une salope, tu peux sortir capuché. T'as une forme et je suis borné. Je me rappelle que du début, des gros joints comme un obus qui font que je suis devenu têtu. Mais y'a aussi des bons moments, des souvenirs remplis de valeur. Je me rappelle des sourires de ma mère quand je rentre pile à l'heure. Je rêvais d'une vie sans. Mais je suis forcé d'écrire la mienne, dire qu'on se peignait pour une coupure. Une soirée des primes à Yep, je me rappelle quand on rappait sur la même instrumentale. Quand nos parents avaient raison de dire qu'on était influençable, putain. Et le pire, c'est que leurs conseils ont négligé. Mais ça fait du bien de se voir quand on n'est pas déguisé. À me rappeler des jours à jeun quand c'était rare que je rageais. Parce qu'il faut que je me gère un jour avant qu'on trouve ma chair hachée. Nostalgique des embuscades avant la sentence brutale. Quand on s'aimait avant de se haïr dans la tendance du mal. Je préférais encore jouer au foot, l'odeur des filtres usagés. Je draguais des filles avec des. Maintenant je me défigure âgé. J'ai vu des frères s'effacer dans des photos légendaires. Mais il est trop tard pour s'en faire depuis l'époque des Pampers. Parce qu'on sait pas ce que la vie nous réserve, frère. Nostalgique, j'ai l'impression d'écrire ce texte en plein hiver sous un réverbère. J'ai des frissons à l'heure où je boucle ce titre, des souvenirs lointains, mais je me rappelle comme si c'était hier. On a pris des chemins différents, comme beaucoup j'ai changé. Moi qui disais que je resterais le même. J'ai des frissons à l'heure où je boucle ce titre, des souvenirs lointains, mais je me rappelle comme si c'était hier. Ah, j'aimerais bien voyager. J'aimerais surtout avoir le temps. Le temps. Vous êtes cons, les mecs, faut pas rire avec des trucs comme ça. Eh, hey, Momo, en fait, moi, je te verrais bien dealer. T'as tout pour ça, toi. Par contre, moi, je me verrais bien champion du monde. De quoi? Je sais pas encore, champion du monde. Mais de quoi? Je sais pas, champion. Mais du monde.